Ils ne sont pas sans avoir organisé quelques mauvais coups. » Tout cela ne nous avançait guère, et nous restions debout, fort perplexes, tandis que l'homme sirotait la liqueur et de nouveau mimait son histoire. Lorsque Moon, qui avait écouté jusque-là fort attentivement, prit par terre le falot du boucher et décida « Il faut aller voir !» Il ouvrit la porte et nous le suivîmes, M. Sorel, M. Pasquier et moi. Milly, déjà rassurée, puisque les assaillants étaient partis, et, comme tous les gens ordonnés et méticuleux, fort peu curieuse de sa nature, déclara « Allez-y si vous voulez, mais fermez la porte et prenez la clé. Moi, je vais me coucher. Je laisserai la lampe allumée. » Chapitre 2. Nous tombons dans une embuscade. Nous partîmes sur la neige, dans un silence absolu. Maune marchait en avant, projetant la lueur en éventail de sa lanterne grillagée. À peine sortions-nous par le grand portail, que derrière la bascule municipale, qui s'adossait au mur de notre préau, partirent d'un seul coup, comme deux perdreaux surpris, deux individus encapuchonnés. Soit moquerie, soit plaisir causé par l'étrange jeu qu'ils jouaient là, soit excitation nerveuse et peur d'être rejoints, ils dirent en courant deux ou trois paroles coupées de rire. Moon laissa tomber sa lanterne dans la neige en me criant « Suis-moi, François !» Et laissant là les deux hommes âgés incapables de soutenir une pareille course, nous nous lançâmes à la poursuite des deux ombres, qui, après avoir un instant contourné le bas du bourg, en suivant le chemin de la vieille planche, remontèrent délibérément vers l'église. Ils couraient régulièrement, sans trop de hâte, et nous n'avions pas de peine à les suivre. Ils traversèrent la rue de l'église, où tout était endormi et silencieux, et s'engagèrent derrière le cimetière, dans un dédale de petites ruelles et d'impasses. C'était là un quartier de journaliers, de couturières et de tisserands, qu'on nommait les Petits Coins. Nous le connaissions assez mal, et nous n'y étions jamais venus la nuit. L'endroit était désert le jour, les journaliers absents, les tisserands enfermés. Et durant cette nuit de grand silence, il paraissait plus abandonné, plus endormi encore que les autres quartiers du bourg. Il n'y avait donc aucune chance pour que quelqu'un survînt et nous prêtât main forte. Je ne connaissais qu'un chemin, entre ces petites maisons posées au hasard comme des boîtes en carton. C'était celui qui menait chez la couturière qu'on surnommait la Muette. On descendait d'abord une pente assez raide, dallée de place en place, puis, après avoir tourné deux ou trois fois entre des petites cours de tisserands ou des écuries vides, on arrivait dans une large impasse fermée par une cour de ferme depuis longtemps abandonnée. Chez la Muette, tandis qu'elle engageait avec ma mère une conversation silencieuse, les doigts frétillants, coupés seulement de petits cris d'infirme, je pouvais voir par la croisée le grand mur de la ferme, qui était la dernière maison de ce côté du faubourg, et la barrière toujours fermée de la cour sèche, sans paille, où jamais rien ne passait plus. C'est exactement ce chemin que les deux inconnus suivirent. À chaque tournant, nous craignions de les perdre, mais à ma surprise, nous arrivions toujours au détour de la ruelle suivante avant qu'ils l'eussent quittée. Je dis « à ma surprise », car le fait n'eût pas été possible tant ces ruelles étaient courtes s'ils n'avaient pas, chaque fois, tandis que nous les avions perdus de vue, ralenti leur allure. Enfin, sans hésiter, ils s'engagèrent dans la rue qui menait chez la Muette, et je criai à Maune « Nous les tenons, c'est une impasse !» À vrai dire, c'était eux qui nous tenaient. Ils nous avaient conduits là où ils avaient voulu. Arrivés au mur, ils se retournèrent vers nous résolument, et l'un des deux lança le même coup de sifflet que nous avions déjà par deux fois entendu ce soir-là. Aussitôt, une dizaine de gars sortirent de la cour de la ferme abandonnée où ils semblaient avoir été postés pour nous attendre. Ils étaient tous encapuchonnés, le visage enfoncé dans leur cache-nez. Qui c'était ? Nous le savions d'avance, mais nous étions bien résolus à n'en rien dire à M. Sorel que nos affaires ne regardaient pas. Il y avait deux louches, Denis, Giroda et tous les autres. Nous reconnûmes dans la lutte leur façon de se battre et leurs voix entrecoupées. Mais un point demeurait inquiétant et semblait presque effrayer Moon. Il y avait là quelqu'un que nous ne connaissions pas et qui paraissait être le chef. Il ne touchait pas Moon. Il regardait manœuvrer ses soldats qui avaient fort à faire et qui, traînés dans la neige, déguenillés du haut en bas, s'acharnaient contre le grand gars essoufflé. Deux d'entre eux s'étaient occupés de moi, m'avaient immobilisé avec peine, car je me débattais comme un diable. J'étais par terre, du genou plié, assis sur les talons. On me tenait les bras joints par derrière, et je regardais la scène avec une intense curiosité mêlée d'effroi. Moon s'était débarrassé de quatre garçons du cours qu'il avait dégrafés de sa blouse en tournant vivement sur lui-même et en les jetant à toute volée dans la neige. Bien droit sur ses deux jambes, le personnage inconnu suivait avec intérêt, mais très calme, la bataille, répétant de temps à autre d'une voix nette « Allez, courage, revenez-y, go on, my boys !» C'était évidemment lui qui commandait. D'où venait-il ? Où et comment les avait-il entraînés à la bataille ? Voilà qui restait un mystère pour nous. Il avait, comme les autres, le visage enveloppé dans un cache-nez. Mais lorsque Moon, débarrassé de ses adversaires, s'avança vers lui, menaçant, le mouvement qu'il fit pour y voir bien clair et faire face à la situation, découvrit un morceau de linge blanc qui lui enveloppait la tête à la façon d'un bandage. C'est à ce moment que je criai à Moon « Prends garde par derrière, il y en a un autre !» Il n'eut pas le temps de se retourner que, de la barrière à laquelle il tournait le dos, un grand diable avait surgi et, passant habilement son cache-nez autour du cou de mon ami, le renversait en arrière. Aussitôt, les quatre adversaires de Moon, qui avaient piqué le nez dans la neige, revenaient à la charge pour lui immobiliser bras et jambes, lui liaient les bras avec une corde, les jambes avec un cache-nez, et le jeune personnage à la tête bandée fouillait dans ses poches. Le dernier venu, l'homme au lasso, avait allumé une petite bougie qu'il protégeait de la main, et chaque fois qu'il découvrait un papier nouveau, le chef allait auprès de ce lumignon examiner ce qu'il contenait. Il déplia enfin cette espèce de carte couverte d'inscriptions à laquelle Moon travaillait depuis son retour et s'écria avec joie « Cette fois, nous l'avons ! Voilà le plan ! Voilà le guide ! Nous allons voir si ce monsieur est bien allé où je l'imagine !» Son acolyte éteignit la bougie. Chacun ramassa sa casquette ou sa ceinture. Et tous disparurent silencieusement comme ils étaient venus, me laissant libre de délier en hâte mon compagnon. « Il n'ira pas très loin avec ce plan-là, » dit Moon en se levant. Et nous repartîmes lentement, car il boitait un peu. Nous retrouvâmes sur le chemin de l'église M. Sorel et le père Pasquier. « Vous n'avez rien vu ? » dirent-ils. « Nous non plus. » Grâce à la nuit profonde, ils ne s'aperçurent de rien. Le boucher nous quitta, et M. Sorel rentra bien vite se coucher. Mais nous deux, dans notre chambre, à la lueur de la lampe que Milly nous avait laissée, nous restâmes longtemps à rafistoler nos blouses décousues, discutant à voix basse sur ce qui nous était arrivé, comme deux compagnons d'armes le soir d'une bataille perdue. Chapitre 3. Le bohémien à l'école. Le réveil du lendemain fut pénible. À 8h30, à l'instant où M. Sorel allait donner le signal d'entrée, nous arrivâmes tout essoufflés pour nous mettre sur les rangs. Comme nous étions en retard, nous nous glissâmes n'importe où. Mais d'ordinaire, le grand Maune était le premier de la longue file d'élèves, coude à coude, chargé de livres, de cahiers et de porte-plumes, que M. Sorel inspectait. Je fus surpris de l'empressement silencieux que l'on mit à nous faire place vers le milieu de la file. Et tandis que M. Sorel, retardant de quelques secondes l'entrée au cours, inspectait le grand Maune, j'avançais curieusement la tête, regardant à droite et à gauche, pour voir les visages de nos ennemis de la veille. Le premier que j'aperçus était celui-là même auquel je ne cessais de penser, mais le dernier que j'eusse pu m'attendre à voir en ce lieu. Il était à la place habituelle de Maune, le premier de tous, un pied sur la marche de pierre, une épaule et le coin du sac qu'il avait sur le dos, à côté au chambranle de la porte. Son visage fin, très pâle, un peu piqué de rousseur, était penché et tourné vers nous, avec une sorte de curiosité méprisante et amusée. Il avait la tête et tout un côté de la figure bandé de linge blanc. Je reconnaissais le chef de bande, le jeune bohémien qui nous avait volé la nuit précédente. Mais déjà nous entrions dans la classe et chacun prenait sa place. Le nouvel élève s'assit près du poteau, à la gauche du long banc dont Maune occupait, à droite, la première place. Girauda, Delouche et les trois autres du premier banc s'étaient serrés les uns contre les autres pour lui faire place, comme si tout eût été convenu d'avance. Souvent, l'hiver, passaient ainsi parmi nous des élèves de hasard, mariniers pris par les glaces dans le canal, apprentis, voyageurs immobilisés par la neige. Ils restaient au cours 2 jours, 1 mois, rarement plus. Objets de curiosité durant la première heure, ils étaient aussitôt négligés et disparaissaient bien vite dans la foule des élèves ordinaires. Mais celui-ci ne devait pas se faire aussitôt oublier. Je me rappelle encore cet être singulier et tous les trésors étranges apportés dans ce cartable qu'il s'accrochait au dos. Ce furent d'abord les porte-plumes à vue qu'il tira pour écrire sa dictée. Dans un œillet du manche, en fermant un œil, on voyait apparaître, trouble et grossi, la basilique de Lourdes ou quelque monument inconnu. Il en choisit un, et les autres aussitôt passèrent de main en main. Puis, ce fut un plumier chinois, rempli de compas et d'instruments amusants, qui s'en allèrent par le banc de gauche, glissant silencieusement, sournoisement, de main en main, sous les cahiers, pour que M. Sorel ne pût rien voir. Passèrent aussi des livres tout neufs, dont j'avais, avec convoitise, lu les titres derrière la couverture des rares bouquins de notre bibliothèque. « La Teppe aux Merles »,« La Roche aux Mouettes »,« Mon ami Benoît ». Les uns feuilletaient d'une main sur leurs genoux ces volumes, venus on ne savait d'où, volés peut-être, et écrivaient la dictée de l'autre main. D'autres faisaient tourner le compas au fond de leur casier. D'autres, brusquement, tandis que M. Sorel, tournant le dos, continuait la dictée en marchant du bureau à la fenêtre, fermaient un œil et se collaient sur l'autre la vue glauque et trouée de Notre-Dame de Paris. Et l'élève étranger, la plume à la main, son fin profil contre le poteau gris, clignait les yeux, content de tout ce jeu furtif qui s'organisait autour de lui. Peu à peu, cependant, toute la classe s'inquiéta. Les objets qu'on faisait passer à mesure arrivaient l'un après l'autre dans les mains du grand Maune, qui, négligemment, sans les regarder, les posait auprès de lui. Il y en eut bientôt un tas, mathématiques et diversement colorés, comme au pied de la femme qui représente la science dans les compositions allégoriques. Fatalement, M. Sorel allait découvrir ce déballage insolite et s'apercevoir du manège. Il devait songer, d'ailleurs, à faire une enquête sur les événements de la nuit. La présence du bohémien allait faciliter sa besogne. Bientôt, en effet, il s'arrêtait, surpris, devant le grand mône. « À qui appartient tout cela ? » demanda-t-il en désignant « tout cela » du dos de son livre refermé sur son index. « Je n'en sais rien, » répondit Mône d'un ton bourru, sans lever la tête. Mais l'écolier inconnu intervint. « C'est à moi, » dit-il. Et il ajouta aussitôt, avec un geste large et élégant de jeune seigneur, auquel le vieil instituteur ne sut pas résister. « Mais je les mets à votre disposition, monsieur, si vous voulez les regarder. » Alors, en quelques secondes, sans bruit, comme pour ne pas troubler le nouvel état de choses qui venait de se créer, toute la classe se glissa curieusement autour du maître, qui penchait sur ce trésor sa tête demi-chauve, demi-frisée, et du jeune personnage blême qui donnait avec un air de triomphe tranquille les explications nécessaires. Cependant, silencieux à son banc, complètement délaissé, le grand mône avait ouvert son cahier de brouillon et, fronçant le sourcil, s'absorbait dans un problème difficile. Le quart d'heure nous surprit dans ses occupations. La dictée n'était pas finie et le désordre régnait dans la classe. À vrai dire, depuis le matin, la récréation durait. À 10h30, donc, lorsque la cour sombre et boueuse fut envahie par les élèves, on s'aperçut bien vite qu'un nouveau maître régnait sur les jeux. De tous les plaisirs nouveaux que le bohémien, dès ce matin-là, introduisit chez nous, je ne me rappelle que le plus sanglant. C'était une espèce de tournoi où les chevaux étaient les grands élèves, chargés des plus jeunes grimpés sur leurs épaules. Partagés en deux groupes qui partaient des deux bouts de la cour, ils fondaient les uns sur les autres, cherchant à terrasser l'adversaire par la violence du choc. Et les cavaliers, usant de cache-nez comme de lasso, ou de leurs bras tendus comme de lances, s'efforçaient de désarçonner leurs rivaux. Il y en eut dont on esquivait le choc et qui, perdant l'équilibre, allaient s'étaler dans la boue, le cavalier roulant sous sa monture. Il y eut des écoliers à moitié désarçonnés que le cheval rattrapait par les jambes et qui, de nouveau acharnés à la lutte, regrimpaient sur ses épaules. Montés sur le grand de l'âge, qui avait des membres démesurés, le poil roux et les oreilles décollées, le mince cavalier à la tête bandée excitait les deux troupes rivales et dirigeait malignement sa monture en riant aux éclats. Augustin, debout sur le seuil de la classe, regardait d'abord avec mauvaise humeur s'organiser ses jeux, et j'étais auprès de lui, indécis. « C'est un malin, » dit-il entre ses dents, les mains dans les poches. « Venir ici dès ce matin, c'était le seul moyen de n'être pas soupçonné, et M. Sorel s'y est laissé prendre. » Il resta là un long moment, sa tête rase au vent, à maugréer contre ce comédien qui allait faire assommer tous ces gars dont il avait été peu de temps auparavant le capitaine. Et, enfant paisible que j'étais, je ne manquais pas de l'approuver. Partout, dans tous les coins, en l'absence du maître, se poursuivait la lutte. Les plus petits avaient fini par grimper les uns sur les autres. Ils couraient et culbutaient avant même d'avoir reçu le choc de l'adversaire. Bientôt, il ne resta plus debout, au milieu de la cour, qu'un groupe acharné et tourbillonnant, d'où surgissait par moments le bandeau blanc du nouveau chef. Alors, le grand mône ne sut plus résister. Il baissa la tête, mit ses mains sur ses cuisses et me cria « Allons-y, François !» Surpris par cette décision soudaine, je sautai pourtant sans hésiter sur ses épaules. et en une seconde, nous étions au fort de la mêlée, tandis que la plupart des combattants, éperdus, fuyaient en criant « Voilà Moon ! Voilà le grand Moon !» Au milieu de ceux qui restaient, il se mit à tourner sur lui-même en me disant « Étends les bras, empoigne-les comme j'ai fait cette nuit !» Et moi, grisé par la bataille, certain du triomphe, j'agrippais au passage les gamins qui se débattaient, oscillait un instant sur les épaules des grands et tombait dans la boue. En moins de rien, il ne resta debout que le nouveau venu monté sur de l'âge. Mais celui-ci, peu désireux d'engager la lutte avec Augustin, d'un violent coup de rein en arrière se redressa et fit descendre le cavalier blanc. La main à l'épaule de sa monture, comme un capitaine tient le mort de son cheval, le jeune garçon, debout par terre, regarda le grand Moon avec un peu de saisissement et une immense admiration. « À la bonne heure, » dit-il. Mais aussitôt la cloche sonna, dispersant les élèves qui s'étaient rassemblés autour de nous dans l'attente d'une scène curieuse. Et Moon, dépité de n'avoir pu jeter à terre son ennemi, tourna le dos en disant, avec mauvaise humeur, « Ce sera pour une autre fois. » Jusqu'à midi, la classe continua, comme à l'approche des vacances, mêlée d'intermèdes amusants et de conversations, dont l'écolier comédien était le centre. Il expliquait comment, immobilisé par le froid sur la place, ne songeant pas même à organiser des représentations nocturnes où personne ne viendrait, ils avaient décidé que lui-même irait au cours pour se distraire pendant la journée, tandis que son compagnon soignerait les oiseaux des îles et la chèvre savante. Puis ils racontaient leur voyage dans le pays environnant, alors que l'averse tombe sur le mauvais toit de zinc de la voiture et qu'il faut descendre aux côtes pour pousser à la roue. Les élèves du fond quittaient leur table pour venir écouter de plus près. Les moins romanesques profitaient de cette occasion pour se chauffer autour du poêle. Mais bientôt la curiosité les gagnait, et ils se rapprochaient du groupe bavard en tendant l'oreille, laissant une main posée sur le couvercle du poêle pour y garder leur place. « Et de quoi vivez-vous ? » demanda M. Sorel, qui suivait tout cela avec sa curiosité un peu puérile de maître d'école et qui posait une foule de questions. Le garçon hésita un instant, comme si jamais il ne s'était inquiété de ce détail. « Mais, répondit-il, de ce que nous avons gagné l'automne précédent, je pense, c'est ganache qui règle les comptes. » Personne ne lui demanda qui était ganache. Mais moi, je pensais au grand diable qui, traîtreusement, la veille au soir, avait attaqué Moon par derrière et l'avait renversé. Chapitre 4. Où il est question du domaine mystérieux. L'après-midi ramena les mêmes plaisirs, et tout le long du cours, le même désordre et la même fraude. Le bohémien avait apporté d'autres objets précieux, coquillages, jeux, chansons, et jusqu'à un petit singe qui griffait sourdement l'intérieur de sa gibecière. À chaque instant, il fallait que M. Sorel s'interrompît pour examiner ce que le malin garçon venait de tirer de son sac. 4 heures arrivèrent, et Moon était le seul à avoir fini ses problèmes. Ce fut sans hâte que tout le monde sortit. Il n'y avait plus, semblait-il, entre les heures de cours et de récréation, cette dure démarcation qui faisait la vie scolaire simple et réglée comme par la succession de la nuit et du jour. Nous en oubliâmes même de désigner, comme d'ordinaire, à M. Sorel, vers 4h10, les 2 élèves qui devaient rester pour balayer la classe. Or, nous n'y manquions jamais, car c'était une façon d'annoncer et de hâter la sortie du cours.